contre toi. Sous ses draps, tu es à moi. Comme le jour ne nous éloigne pas, je rêve de nos silences qui nous élancent l'un à l'autre vers nos démences, au-delà de nos courts instants de rêve. Mais le temps joue contre nous, je nous vois jour contre jour disparaître quelques doutes. Si je m'attarde entre tes bras, je ne pourrais me passer de toi.